la partie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, je croisais les doigts, et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas. En amour, la loi, c'est comme à la guerre. Le plus fort des deux reste le dernier. Et notre amour. Son côté.